franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Il est en prison depuis 28 ans. Le Libanais Georges Ibrahim Abdallah. Condamné en France à la prison à perpétuité par une cour d'assises spéciale pour complicité dans l'assassinat de deux diplomates en 1982. L'un états-unien, l'autre israélien. Deux diplomates, mais en réalité des hommes qui travaillaient pour les services secrets de leurs pays respectifs. En tout cas, des assassinats qui sont intervenus dans un contexte très troublé. En cette année 1982, en effet, la France va être frappée par toute une série d'attentats, les uns étant perpétrés par Carlos et sa bande, d'autres par le Palestinien Abou Nidal, mais également par une nouvelle et mystérieuse organisation, les FARL, les fractions armées révolutionnaires libanaises, dont on apprendra beaucoup plus tard que leur chef est Georges Ibrahim Abdallah. Au total, 30 morts et 178 blessés. Enfin, c'est aussi en 1982 que le mouvement Action Directe refait parler de lui. Et justement, on découvrira que les FARL entretenaient de curieux rapports avec l'organisation terroriste française. Monsieur X, remonte donc aux sources de cette affaire à tiroir où le principal mais très discret acteur pourrait bien être le Mossad israélien. Ah. Tout commence en novembre 1981 à Paris. Un homme tire sur un diplomate américain, Christian Addison Chapman, qui s'apprête à monter dans sa voiture blindée. Mais la tentative d'assassinat échoue. Non seulement le tueur est maladroit et a tiré trop vite, mais il a utilisé une arme d'un calibre modeste, un pistolet 7,65. Alors que les tueurs professionnels se servent en général d'armes plus puissantes. C'est juste, mais on reparlera de ce 7,65. En tout cas, cet attentat a raté et très vite revendiqué par une organisation encore inconnue, les FARL, les Fractions Armées Révolutionnaires Libanaises. Mais on n'attache pas trop d'importance à l'événement et on oublie assez vite. D'autant que personne ne sait qui se cache derrière ces FARL. Et le Proche-Orient nous a habitués à l'éclosion de mouvements aussi obscurs qu'éphémères. Cependant, deux mois plus tard, en janvier 1982, un autre diplomate américain, l'attaché militaire Charles Ray, sort tranquillement de chez lui, boulevard Émile Augier. Toujours à Paris. Oui. Ray, imperméable et petite sacoche à la main, se dirige vers son automobile, garée à une centaine de mètres plus loin. Il est seul ? Pourtant, après la tentative d'assassinat contre Chapman, les autorités françaises ont proposé à l'ambassade américaine d'affecter une protection policière à ces diplomates. Mais les Américains n'ont pas donné suite. Ray marche donc vers sa voiture. Il n'a pas remarqué qu'un homme s'était glissé derrière lui. Un homme qui soudain sort un pistolet automatique de sa poche et le braque sur la tête du diplomate. Un seul coup, Ray s'écroule, mortellement touché. Et l'assassin s'enfuit à pied et disparaît. Ouais, et bien sûr, on a fait un rapprochement avec la tentative contre Chapman. Effectivement, c'est d'autant plus évident que la douille retrouvée sur place est également de calibre 7,65. Y a-t-il une revendication ? Elle ne tarde pas, et là encore, elle est signée par les FARL. Il s'agit d'un communiqué qui a été remis au bureau de l'agence Reuters de Beyrouth. Rédigé dans un arabe pas très orthodoxe, cette revendication est essentiellement anti-américaine. Les États-Unis, du président Reagan, sont accusés de mener au Proche-Orient une politique fasciste, sioniste et réactionnaire. Quant au malheureux Charles Ray, il est qualifié de symbole de l'armée israélienne. Était-ce un simple diplomate ? Non. Ce lieutenant-colonel était aussi un agent des services de renseignement de l'armée états-unienne. Ouais. Sur le moment, imagine-t-on qui se dissimule derrière les FARL ? Bah, écoutez, on a le choix, si j'ose dire. Et comme d'habitude, on pense à l'un des États de la région qui n'hésite jamais à user de méthodes terroristes. Syrie, Libye, Irak. Sans exclure Israël, dont on connaît bien les coups tordus, mais à l'époque, personne n'y croit sérieusement. Et puis pourquoi les Israéliens exécuteraient un officier d'un pays ami, hein ? C'est bien entendu ce que se disent les enquêteurs français et les nombreux services de renseignement qui s'intéressent à l'affaire. Et la suite va, semble-t-il, leur donner raison. Deux mois après l'assassinat de Charles Ray, c'est un diplomate israélien qui va être frappé à Paris. Et là encore, il est quasi certain que ce deuxième secrétaire de l'ambassade d'Israël était un agent des services secrets. Mossad. Oui. Alors les faits. Ce 3 avril 1982, Jacob Barsimantov, sa femme et sa fille reviennent de promenade. L'Israélien garde son auto dans le parking souterrain de son immeuble, la porte de Saint-Cloud. Puis, il remonte dans le hall afin de prendre l'ascenseur. À cet instant, une femme, dissimulée dans un coin, se précipite vers lui. Elle est armée et tire plusieurs projectiles. L'un d'eux, mortel, atteint Barsimantov à la tête. Une remarque d'abord, cette meurtrière était parfaitement informée. Et elle connaissait très bien les habitudes du diplomate, oui. Aussitôt après avoir tiré, elle fuit vers la porte d'entrée de l'immeuble. Mais à cet instant, elle trouve en face d'elle un adolescent, vélo à la main. Hasard, c'est le fils de Barsimantov. Mais elle ne le sait pas. Bien sûr. Elle l'écarte, sort en hâte et part en courant. La gardienne qui est apparue au seuil de sa loge crie au garçon « Poursuis-la !» sans rien savoir de ce qui s'est passé. L'adolescent ressort, enfourche son vélo. Mais il ignore donc qu'il pourchasse la meurtrière de son père. C'est ça, et il croit avoir affaire à une voleuse. Il la rattrape ? Alors qu'elle s'engouffre dans l'entrée de la station du métro Porte de Saint-Cloud. Là, le garçon abandonne son vélo, descend les marches et arrive à la hauteur de la femme alors qu'elle va franchir le portillon. Mais elle ne flanche pas. « Tire-toi !» lui intime-t-elle. En français ? Oui. Et il obéit ? En effet. Sans doute a-t-il été saisi par le ton autoritaire de la femme. Et puis, rappelons-le, il ne sait pas exactement pourquoi il l'a poursuivi. Alors, il rebrousse chemin. Ouais. Et quand il revient dans son immeuble, il apprend que c'est la meurtrière de son père qui l'a pourchassé. C'est exact. Et il doit regretter de l'avoir laissé filer. Mais il est trop tard. En tout cas, il peut donner un signalement très précis de la femme. Elle est jeune, a des dents écartées. Et ce qu'on appelle les dents du bonheur. Et détail important, elle a des hanches très larges et, pardonnez-moi, également un gros derrière. Bon, et elle parle français. Enfin, ce que retiennent surtout les enquêteurs de la criminelle, c'est que, encore une fois, les comparaisons balistiques établissent que c'est la même arme qui a servi lors des attentats contre Chapman et Ray. Ouais, ce pistolet automatique, la 7.65. Mais moi, je croyais pourtant que les tueurs professionnels se débarrassaient systématiquement de leurs armes quand elles avaient servi, ne serait-ce qu'une fois. Vous avez parfaitement raison. Garder une arme chaude, c'est prendre un risque considérable, comme vous pouvez facilement l'imaginer. Retenez bien ce point, car nous en reparlerons plus tard lorsque cette arme ressurgira assez mystérieusement. Et pas tout à fait par hasard, si je vous ai bien compris. Et la revendication là, pour l'assassinat de Barsimantov ? Elle vient assez rapidement et toujours de Beyrouth. Une simple feuille manuscrite remise au bureau de l'AFP dans laquelle les Farl accusent Israël de commettre des crimes au Liban. Justement, comment réagit-on en Israël ? D'une façon très vive. Le ministre des Affaires étrangères, Yitzhak Shamir, accuse l'OLP de Yasser Arafat et en profite pour mettre en cause tous les gouvernements étrangers qui accueillent chez eux des délégations de l'organisation palestinienne. Plus sérieusement, il laisse entendre que l'assassinat de Barsimantov pourrait mettre fin au cessez-le-feu conclu au sud du Liban. Et bientôt, on assistera effectivement au déclenchement de l'invasion du Liban par l'armée israélienne. Oui, l'opération si mal nommée Paix en Galilée, en juin 1982. Il est clair que le gouvernement israélien a pris prétexte de l'assassinat de son pseudo-diplomate à Paris et ensuite d'une autre tentative de meurtre contre son ambassadeur à Londres pour justifier cette considérable offensive militaire qui va conduire Tzahal jusqu'à Beyrouth. Oui, et qui aura pour conséquence finale les massacres de Sabra et Shatila. Des événements dramatiques où la responsabilité d'Israël sera gravement engagée. Mais je n'y reviens pas, car nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps. Et ici, il me faut faire un petit retour en arrière. 4 jours après l'assassinat de Barsimantov, il se produit un fait très curieux. Le directeur de la DST, Marcel Chalet, reçoit un téléx du Mossad. La centrale israélienne révèle dans ce message le nom du chef des Farl, un marxiste libanais d'origine chrétienne nommé Georges Ibrahim Abdallah. Il est même précisé que cet homme est grand, à belle allure et qu'il est cultivé. Ouais, c'est très précis. J'ajoute que le Mossad met en lumière la filiation politique d'Abdallah. Ce serait un proche de Georges Habash, le leader du FPLP, une organisation palestinienne dissidente. Oui, réputée pour être beaucoup plus radicale que l'OLP de Yasser Arafat. Et ce personnage-là, Abdallah, est-il connu des services du contre-espionnage français ? Absolument pas. Quoi qu'il en soit, même si Chalet ne méconnaît pas la réputation d'efficacité du Mossad, le patron de la DST est étonné. Si les Israéliens ont pu si rapidement livrer le nom du chef des Farl, c'est que le personnage était déjà dans la ligne de mire du Mossad. Et dans ce cas, n'aurait-il pas été possible de prévenir l'assassinat de Barsimantov ? Bref, à la DST, on trouve ça un peu louche, quoi. En tout cas, on est intrigué. Et les fonctionnaires du service se rappellent opportunément un autre fait. Très peu de temps après l'assassinat de l'Américain Charles Ray, une société de communication a reçu 2 étranges coups de téléphone. Dans le premier, un correspondant anonyme a déclaré que l'assassin et ses complices étaient basés à Lyon. Et dans le deuxième, ce même homme a fait allusion à une organisation inconnue dont le sigle serait FA ou FAS. Oui, ça rappelle un peu les Farl, ça. Oui, mais les Farl n'ont pas encore revendiqué officiellement l'attentat. Mais pourquoi ces appels destinés à une société de communication, avez-vous dit ? Mais il se trouve que le numéro de téléphone de cette entreprise est à un chiffre près, celui de la préfecture de police. Ouais, ce correspondant anonyme s'est donc trompé en composant le numéro. Assurément. Mais ce qui compte, c'est que déjà, on a voulu dénoncer l'organisation terroriste. Alors, qui et pourquoi ? C'est l'une des clés de cette affaire. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Thank you. Monsieur X a parlé de la réaction du gouvernement israélien après l'assassinat de Yaakov Barsimantov. Extrait de l'allocution prononcée devant sa tombe par Yitzhak Shamir. Avec ces assassins, il n'existe pas de dialogue possible. En revanche, nous avons beaucoup de choses à dire au gouvernement qui, soit par myopie politique, soit par calcul, autorise les terroristes à ouvrir des bureaux chez eux, les reconnaissent et les laissent agir librement. Nous nous adressons, à partir de cette tombe fraîchement recouverte, à tous les gouvernements pour qu'ils ferment les bureaux de l'OLP et mettent les terroristes à la porte de leur pays. Nous ne sommes pas les seuls qui soient frappés, c'est toute la société civilisée qui est mise en danger par eux. Quant à nous, nous ferons notre devoir qui est de frapper les assassins sans pitié. La menace est donc claire et deux mois plus tard, Tsahal envahira le Liban. En cette année 1982, particulièrement meurtrière pour la France, puisque notre pays aura aussi à subir plusieurs attentats commis par les amis de Carlos. Les FARL poursuivent leurs méfaits. Il y a d'abord le mitraillage de la façade de la mission d'achat israélienne, très peu de jours avant l'assassinat de Barsimantov. Une action de peu d'importance, mais qui va bientôt permettre de mettre au jour des connexions des FARL avec la nébuleuse terroriste. Bon, ça j'y viens dans un instant, mais il y a aussi un événement dramatique au mois d'août. Quoi ? En tentant de désamorcer une bombe placée sous l'auto du conseiller commercial de l'ambassade des États-Unis, deux artificiers de la préfecture de police sont tués. Un malheureux accident. Ouais. Revendiqué par les FARL. Puis, un peu plus tard, en septembre, une voiture de l'ambassade d'Israël explose devant le lycée Carnot à Paris. Il n'y a pas de mort, mais de nombreux blessés, dont deux diplomates grièvement atteints. Un attentat signé par les FARL ? Encore, oui. Et puis, assez étrangement, l'organisation terroriste ne fait plus parler d'elle pendant de longs mois. Pourquoi ? Vous avez une explication ? Pas vraiment, non, mais c'est peut-être en rapport avec la situation du Liban où la guerre redouble. Et c'est en mars 1984 que les FARL se manifestent à nouveau. Comment ? Le consul général des États-Unis à Strasbourg est victime d'un tireur équipé d'une arme de calibre 7,65. Toujours. Hein. Il est grièvement blessé. C'est la dernière action connue des FARL. Et du côté des enquêteurs, là, on a progressé ? Non. Pourtant, les informations transmises par le Mossad étaient relativement précises. Hein. Il semble bien que la DST ne les a pas exploitées. Ou bien encore, le directeur les a-t-il gardés sous le coude ? Méfiance ? C'est bien possible. La célérité du Mossad à dénoncer ce personnage, Abdallah, a pu paraître suspecte. La crainte d'un coup fourré ? Pourquoi pas ? Et puis, vous le verrez plus tard, même si la direction de la DST n'avait pas toutes les cartes en main, elle a sans doute eu raison de douter. D'accord, mais alors, si je me souviens bien, Abdallah n'était pas une invention des Israéliens et sa responsabilité a été formellement établie lorsqu'il a comparu devant la justice française. C'est exact. Enfin, ne vous emballez pas. Et puis, laissez-moi ajuster patiemment les pièces du puzzle les unes après les autres. Alors, précédemment, vous m'avez annoncé que les enquêteurs avait assez rapidement découvert que les FARL étaient en relation avec ce que vous appelez la nébuleuse terroriste. En effet, premier élément troublant, après l'assassinat de Barsimantov, un tract des FARL est distribué dans un quartier de Paris. Écrit en trois langues, ce papier aurait été distribué par les sympathisants d'Action Directe. Mais ce n'est pas tout. Il a été imprimé en Belgique par une officine qui est habituellement utilisée par Action Directe pour la confection de ses tracts et autres communiqués. L'organisation terroriste française pourrait donc avoir partie liée avec les FARL. Dans tous les cas, c'est ce qui apparaît et qui va être assez rapidement confirmé, je vous explique. Toujours au mois d'avril 1982, donc quelques jours après l'assassinat de Barsimantov, des membres de la brigade de répression du banditisme procèdent à une perquisition dans le box d'un parking parisien. Et comment sont-ils arrivés là ? Un renseignement parvenu anonymement. Ah, encore une fois ? Oui, vous avez parfaitement raison de souligner ce point. Car vous le verrez, dans la suite de ce récit, il y en aura d'autres. Comme s'il y avait quelqu'un qui avait intérêt à semer ces tuyaux. Oui, comme le petit pousset, et j'y reviendrai. Ce box, c'est la caverne d'Ali Baba. Les policiers y découvrent de nombreuses armes, dont une mitraillette Sten. Expertisée, Cette arme se révéla être celle qui a été utilisée pour mitrailler quelques jours plus tôt la mission commerciale israélienne. Hmm. Mais sait-on qui a accumulé ces armes dans le box là ? Un box loué par une jeune fille de bonne famille qui s'est égarée dans quelques squats de la région parisienne. Oui, les policiers ont une idée sur les propriétaires de cet arsenal. Hmm. Action directe ? Bien sûr. Ouais. Ils en ont la confirmation dès le lendemain. La surveillance mise en place dans le parking permet de surprendre un couple qui pénètre dans le box. La jeune femme s'appelle Joëlle Aubron et c'est une militante connue de l'organisation Action Directe. Et l'homme ? C'est un certain Mohran Amani. Il déclare qu'il ne faisait qu'accompagner la jeune femme. Et apparemment, il est convaincant puisque les policiers ne le retiennent pas, à la différence de Joëlle Aubron qui devra répondre d'infraction à la législation sur les armes. Mais en élargissant Amani, ils ont commis sans le savoir une grave erreur. Et pourquoi ? Ce Mohran Amani est un gros poisson. Un ami de ce Georges Ibrahim Abdallah est sans doute l'homme qui fait le lien entre Action Directe et les FARC. Amani, avec d'autres militants d'Action Directe, sera plus tard impliqué dans le meurtre de deux agents de police avenue Trudaine à Paris, dénoncé par des lettres anonymes, encore une fois. Mais Amani aura le temps de fuir et de passer en Algérie. Puis, après avoir vraisemblablement fait allégeance aux services algériens, il ira se réfugier au Liban. Ah ben le pays de son ami Abdallah. Et ce n'est bien sûr pas un hasard. Et que penser alors de ces liens entre Action Directe et les FARC ? Les Français ont certainement apporté un soutien logistique aux Libanais. Mais pour autant, les FARC pouvaient-elles accorder entièrement leur confiance à une organisation Action Directe qui, à de nombreuses reprises, fera preuve d'amateurisme et de naïveté ? Une organisation qui sera également assez facilement infiltrée. Et donc manipulée. Ouais. On peut le penser, même si ses membres n'en ont peut-être pas toujours eu conscience. À moins, tout simplement, qu'Action Directe, par solidarité internationale ou par intérêt, n'ait choisi parfois d'être une organisation mercenaire. En tout cas, la nature des liens qui ont existé entre Action Directe et les FARC n'a jamais vraiment été éclaircie. Mais enfin, passons. Les FARC ont donc, si j'ose dire, repris du service en 1984. Ce sera aussi l'année de leur démantèlement. Alors, racontez comment ça se passe. Tout commence en octobre 1984, de façon assez banale, par un contrôle douanier dans un train à la frontière entre la Yougoslavie et l'Italie, à Trieste, très exactement. Un très jeune homme, se prétendant marocain, attire la curiosité des gabelous. C'est surtout le paquet qu'ils transportent qui les intéresse. Est-ce que là encore, il y a au départ un signalement, un tuyau anonyme ? Franchement, je ne sais pas. J'observe seulement que l'Italie aussi a eu à souffrir des agissements des FARC. Par conséquent, leur service secret était en alerte. Donc l'interpellation là, de ce pseudo-marocain ne doit peut-être rien au hasard. C'est très possible. Les douaniers demandent donc au jeune homme ce que contient son paquet. Et il répond dans un français hésitant qu'il s'agit de pâtisseries orientales. Ah, mais les douaniers veulent vérifier. Naturellement, donc ils ouvrent le paquet et découvrent son contenu. Une pâte molle de couleur orangée. Drôle de pâtisserie. En effet, mais pour montrer qu'il s'agit bien d'une substance comestible, le jeune homme en détache un morceau, le porte à sa bouche et l'avale. Toutefois, ça ne suffit pas à convaincre les douaniers. Le suspect est invité à descendre du train et son paquet est saisi aux fins d'analyse. Et le poteau rose ne tarde pas à être découvert. La pâte orangée est en fait du Semtex, un puissant explosif fabriqué en Tchécoslovaquie. Alors ce jeune type a donc mangé du Semtex. Oui, c'est la vérité. Et les douaniers italiens n'en sont toujours pas revenus. Et avouez, il y a de quoi. Mais enfin, plus concrètement, cet étrange incident va conduire au crépuscule des FARC et à leur chute. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Monsieur X a évoqué ce tract des FARC rédigé après l'assassinat du diplomate israélien Barsi Mantov et distribué par des sympathisants d'Action Directe. Voici un extrait de ce document imprimé en Belgique. Nous, fraction armée révolutionnaire libanaise, nous adressons à tous ceux qui condamnent la terreur et le terrorisme, à tous ceux qui militent pour l'abolition de la société d'exploitation et de guerre. Nous avons exécuté Yaakov Barsi Mantov. La presse impérialiste, comme le gouvernement français, crie au terrorisme. Qui sont les terroristes. Ceux qui tuent un jeune Cisjordanien parce qu'il résiste à l'annexion de son pays par Israël, ceux qui bombardent les populations civiles du Sud-Liban, ceux qui tuent aveuglément et osent se réclamer d'un pseudo-cessez-le-feu. Nous, nous nous attaquons à ceux qui organisent le génocide du peuple palestinien. Nous, nous sauvegardons la vie des innocents, même au péril de notre propre sécurité. Mais bien sûr, après cette découverte d'explosifs dans les bagages de ce jeune homme qui prétend s'appeler El Mansouri, le contre-espionnage italien s'est saisi de l'affaire. Et les enquêteurs s'intéressent en particulier à un carnet où figurent plusieurs adresses et numéros de téléphone français. Ils contactent donc leurs homologues français. La DST, ouais, oui. Ouais. Et dans ce carnet, il est mentionné un certain Alex, locataire d'un appartement lyonnais. Ici, quand même, il faut rappeler que lors de cette mystérieuse communication téléphonique de 1982, après l'assassinat de l'Américain Charles Rey, il avait été dit que l'organisation terroriste était basée à Lyon. Et c'est sans doute pourquoi les policiers de la DST vont mettre le paquet sur cette piste. À l'adresse mentionnée sur le carnet, il n'y a personne. Le locataire est, semble-t-il, parti. Mais quelques jours plus tard, l'agence immobilière qui a loué l'appartement contacte l'antenne locale de la DST. Le nommé Alex est revenu et veut récupérer la caution qu'il a versée lors de la signature du contrat de location. Ça, c'est un vrai coup de chance. Oui, oui, car dès qu'il quitte les bureaux de l'agence, le nommé Alex est pris en filature. Un mot sur son physique. C'est un homme entre 35 et 40 ans, de type oriental et de belle stature, qui arbore une barbe noire. Et ça correspond au signalement transmis par le Mossad dès 1982, 2 ans plus tôt donc. Signalement pour les Israéliens d'un certain George Ibrahim Abdallah, je vous le rappelle. La filature est donc entreprise dans les rues de Lyon. Et là, il va se passer quelque chose d'énorme. Racontez. Malgré leur professionnalisme, les policiers de la DST se font repérer par Alex. Échec donc. Pas du tout, bien au contraire. Le nommé Alex, après avoir en vain essayé de rompre la filature, finit par prendre peur et se réfugie dans un commissariat. Un commissariat ? Oui, on comprendra un peu plus tard. Le pseudo Alex a cru qu'il était suivi par des hommes du Mossad. Ah oui, alors il a craint pour sa vie. Exactement. Il s'est livré de lui-même aux policiers français. Et c'est l'incroyable vérité. Mais attendez, pour avoir agi ainsi, c'est qu'il se sent sûr de lui. Et qu'il estime ne rien avoir à craindre de la police française. En tout cas, rien de grave. Et c'est ce qui arrive. On peut tout juste lui reprocher d'être en possession de 2 passeports établis à 2 identités différentes, mais avec la même photo. L'un, parfaitement authentique, a été délivré par les autorités algériennes au nom d'Abdelkader Saadi. Et l'autre est un faux document maltais. Ouais, mais ce n'est pas bien méchant, hein, mais ça doit quand même lui valoir de demeurer aux mains de la police. Évidemment. Mais Alex, alias Abdelkader Saadi, ne l'entend pas ainsi. Il proteste, il menace, bref, il fait beaucoup de bruit. Oui, il menace, mais enfin, avec quels arguments, là ? Ben, il affirme avoir des liens avec l'OLP. L'organisation palestinienne de Yasser Arafat. Et il prétend que l'OLP, qui dispose d'une représentation en France, va prendre très mal son arrestation. Il ajoute qu'il va rédiger un message pour le commandement de l'OLP et affirme être membre d'une organisation tout à fait inconnue, le Mouvement révolutionnaire de l'unité arabe. Mais ce faisant, il commet une grave erreur. Pourquoi ? Bah, s'il s'était abstenu de faire ces déclarations véhémentes, il est probable que la police l'aurait relâché assez rapidement. Mais ces éclats font que la DST s'intéresse de plus en plus au personnage. Et pour le garder au frais, en attendant d'en apprendre un peu plus sur lui, le pseudo Saadi est remis entre les mains d'un juge d'instruction qui l'inculpe pour détention de faux documents. Et il est incarcéré. Bien entendu. Ouais. Et dans quel sens s'orientent les recherches ? Bah, il faut d'abord éclaircir ces affaires de passeport. Un homme de la DST est envoyé à Alger afin de rencontrer la direction de la sécurité militaire. 2 services qui, il faut le souligner, ont toujours entretenu d'excellentes relations. Et qu'apprend-il cet homme à Alger, là ? Bah, autant vous dire que les Algériens sont un peu embarrassés. Mais pourquoi ? Bah, parce qu'ils doivent reconnaître que le document en possession du pseudo Saadi est authentique. Ouais. C'est-à-dire qu'il a, bien été délivré par leurs services officiels. C'est ça, oui, ouais. Mais il s'agit d'un document de complaisance. Oui, un vrai faux passeport, comme on dira un peu plus tard dans l'affaire du carrefour du développement. Mais ça signifie aussi que, d'une certaine façon, ce prétendu Saadi est une sorte de protégé des Algériens. Ça en a tout l'air, mais ne vous étonnez pas. À l'époque, les services algériens, qui sont réputés pour leurs compétences, sont des acteurs essentiels de la diplomatie secrète dans le bassin méditerranéen et même au Moyen-Orient. Des juges de paix, comme on dit dans le milieu. Et d'ailleurs, vous le verrez à l'occasion d'un rebondissement de cette affaire. On fera appel à eux. Ouais, bien sûr, n'allons pas trop vite. Hein. Bah, écoutez, si c'est vous qui le dites. Par conséquent, pour obtenir des informations, les Algériens doivent prendre sous leur protection un certain nombre de personnages importants, ou susceptibles de le devenir. Ouais, et ce Saadi serait l'un d'entre eux ? On peut le penser. Mmh. Une belle prise, donc. Hein. C'est évident. Mais il reste aux policiers français du contre-espionnage à pratiquer une autre vérification, toujours pour s'assurer de l'identité de l'homme de Lyon. Devant les policiers, le pseudo Saadi s'est réclamé de l'OLP. À la DST, on a forcément des contacts avec les Palestiniens. Son patron de l'époque, Yves Bonnet, connaît même personnellement Abouliad, le bras droit de Yasser Arafat. Il se déplace donc à Tunis, où la direction de l'OLP a trouvé refuge après son départ forcé du Liban lors de l'opération Paix en Galilée. Ouais, un départ sous protection des troupes françaises, vous le rappelez. Hein. Oui, ça explique pourquoi nous, Français, sommes au mieux avec les gens de l'OLP. Bonnet se rend donc à Tunis. Et il rencontre Abouliad. Oui, à qui il présente une photo de l'homme inculpé à Lyon. Le dirigeant palestinien affirme ne pas le connaître. Mmh. Il est sincère. Bonnet en a en tout cas l'impression. Donc ce Saadi n'appartiendrait pas à l'OLP ? Apparemment pas. Mais Bonnet a aussi pris avec lui des photocopies du carnet d'adresses qui a été retrouvé sur l'homme. Et Abouliad relève qu'un certain nombre de noms correspondent à ceux de membres du FPLP, commandement des opérations spéciales. Mais ça, c'est une organisation rivale de l'OLP. Oui, et réputée plus radicale. Beaucoup. Plus radical. Mais ça, j'y viens dans un instant. Mais à la demande de Bonnet, le dirigeant de l'OLP va encore plus loin dans sa collaboration avec les services français. Il est prêt à envoyer à Lyon un messager qui pourrait rencontrer le pseudo Saadi. Et le tester. En effet. Mais où peut-il le voir ? Si c'est au parloir de la prison, l'homme risque de se méfier. Alors, en accord avec le magistrat chargé de l'instruction, des hommes de la DST imaginent tout un scénario pour extraire momentanément le détenu de sa cellule. La rencontre a donc lieu à l'extérieur. Oui, et bien sûr, elle est clandestinement filmée. Mais elle n'apporte pas grand-chose aux enquêteurs qui acquièrent simplement la conviction que leur homme est bien d'origine libanaise. Mais encore une fois, c'est le Mossad qui va donner à la DST l'information capitale. L'homme, incarcéré à Lyon, ne serait autre que le Libanais Georges Ibrahim Abdallah. Et ce serait le vrai chef des FARL. Au fond, ce n'est qu'une confirmation du tuyau donné par le Mossad dès 1982. Et ça prouve que, décidément, les Israéliens suivent cette affaire de très, très près. Reste quand même à découvrir ce que cachent exactement ces FARL et qui est véritablement ce Georges Ibrahim Abdallah. Ici, il faut faire un peu d'archéologie politique libanaise. Et autant vous dire que ce n'est pas très facile. Alors, voilà à peu près ce que découvrent les policiers de la DST en remontant jusqu'aux années 1930. Au départ, il y a l'existence du Parti national syrien, très influencé par les partis totalitaires européens. Son fondateur, un chrétien libanais, prône le rattachement du Liban à un État syrien. C'est le rêve qui a longtemps été celui des dirigeants de Damas, hein, la création d'une grande Syrie. C'est ça, mais après la Seconde Guerre mondiale, les militants libanais de ce parti se rapprochent de la gauche progressiste, très proche des Palestiniens. Principalement installés au Nord-Liban, ils épousent la cause des mouvements palestiniens les plus radicaux, qui rompent avec l'OLP après les accords de Camp David de 1978. Ouais, des accords qui scellent le rapprochement entre Israël et l'Égypte. Hein. Il se constitue donc ce que l'on appelle dans le monde arabe un front du refus, où l'on trouve en particulier les deux branches du FPLP, de Georges Habash et Wadi Haddad. Ouais, et leurs cousins, les FARL, donc. C'est tout à fait cela. Les FARL ne sont qu'un rameau de ce front du refus. Elle regroupe un petit noyau d'hommes et de femmes, tous d'origine chrétienne et issus d'un même village du Nord-Liban, Koubehat. Toutefois, la possession de ces informations essentielles pour la DST ne se traduit pas dans les faits. Le parquet ne détient aucun élément concret pour inculper Abdallah de complicité dans la perpétration des attentats revendiqués par les FARL. Mais un rebondissement va bientôt intervenir. Je me propose, si vous le voulez bien, de vous en entretenir samedi prochain. Ouais, vous pouvez quand même m'en dire un tout petit peu plus avant de nous quitter, non ? Eh bien, il s'agit d'un enlèvement d'un Français au Liban. Un de plus. Mais cet enlèvement-là, à la différence des autres qui, on le sait aujourd'hui, étaient directement téléguidés par Téhéran, sera revendiqué par les FARL. Les FARL qui veulent ainsi obtenir la libération de leur chef, Georges Ibrahim Abdallah. Des livres pour terminer les guerres secrètes du Mossad de Yvonique de Noël chez Nouveau Monde. Action directe de Hamon et Marchand au Seuil. Histoire secrète du terrorisme de Villeneuve et Perret chez Plon. L'œil du pouvoir de Gilles Ménage chez Fayard. Et enfin, les mémoires de l'ancien patron de la DST, Yves Bonnet, paru chez Calman Lévy. Autant de titres dont vous retrouverez les références sur franceinter.fr. À samedi prochain, Rebecca de Nantes a préparé cette émission qui a été réalisée par Michel Biou et mise en musique par Monsieur Djoub. Tout de suite, après le flash, un peu de balade, CO2, mon amour, de Denis Chessou.